Intelligent et pourtant pour sortir passer par imbécile. Gede bagay qu'on a dit au monde, font monde dans position pour ta wè bagay là. Ou qu'on a habitué longtemps à venir dire oui. Mon tante, madame m'a dit ça tout. Oh oui, on va dormir dehors. Et c'est pas vrai, à faire dormir dehors, à mon pas jamais dormir dehors. Sande da kai, o domino locai. Moga no baga aqui, vi. Não fala de domino locai. E só am domi me revê. O fom que vou lhes o dom. Lembro lessa, só te transformei. Non bouik laisse am tombe prani iron iron iron et puis m'a regardé ka voisin pour voisin tout nos petit bœuf mon grand-père m'a fait le bœuf.